En Corée, augmente le nombre des jeunes qui font preuve de la noble vertu. Début de janvier dernier, Han Myung-ho, membre d'une sous-équipe de la jeunesse de la ferme coopérative Doosan de l'arrondissement de Sinsun, province du Hangi du Sud, a sauvé une paysanne noyée. Cet arrondissement compte des milliers de jeunes vertueux. Des jeunes de l'hôpital populaire de l'arrondissement de Pangyo, de la province du Gangwon, ont greffé leur chair à un ouvrier qui s'est brûlé tout le corps. Dans la ville de Nampo, plus de 28 000 jeunes et étudiants prennent soin des vétérans de guerre et militaires blessés d'honneur. Dans la province du Hamgyong du Nord, plus de 300 jeunes et étudiants sont enregistrés encore pour leur belle conduite. Une dizaine de jeunes se sont décidés à épouser des militaires blessés d'honneur.